poils de carotte, les prunes. Quelque temps agité, il remue dans la plume et le parrain dit « Canard ? Tortue ? Poils de carotte. Non, parrain. Parrain. Moi non plus. J'ai envie de me lever. Si tu veux, nous allons chercher des vers. » « C'est une idée !» dit Poils de carotte. Ils sautent du lit, s'habillent, allument une lanterne et vont dans le jardin. Poils de carotte porte la lanterne et le parrain une boîte de fer blanc à moitié pleine de terre mouillée. Il y entretient une provision de vers pour sa pêche. Il les recouvre d'une mousse humide, de sorte qu'il n'en manque jamais. Quand il a plu toute la journée, la récolte est abondante. « Prends garde de marcher dessus !» dit-il à Poils de carotte. « Va doucement. Si je ne craignais les rhumes, je mettrais des chaussons. Au moindre bruit, le ver rentre dans son trou. On ne l'attrape que s'il s'éloigne trop de chez lui. Il faut le saisir brusquement et le serrer un peu pour qu'il ne glisse pas. S'il est à demi rentré, lâche-le, tu le casserais. Et un ver coupé ne vaut rien. D'abord, il pourrit les autres et les poissons délicats les dédaignent. Certains pêcheurs économisent leurs vers, ils ont tort. On ne pêche de beaux poissons qu'avec des vers entiers, vivants et qui se recroquevillent au fond de l'eau. Le poisson s'imagine qu'il se sauve, court après et dévore toute confiance. « Je les rate presque toujours, » murmure Poil de carotte, « et j'ai les doigts barbouillés de leur sale bave. » Parrain, un ver n'est pas sale. Un ver est ce qu'on trouve de plus propre au monde. Il ne se nourrit que de terre, et si on le presse, il ne rend que de la terre. Pour ma part, j'en mangerai. » Poil de carotte. Pour la mienne, je te la cède. Mange voir. Parrain. Ceux-ci sont un peu gros. Il faudrait d'abord les faire griller, puis les écarter sur du pain. Mais je mange cru les petits. Par exemple, ceux des prunes. Poil de carotte. Oui, je sais. Aussi, tu dégoûtes ma famille. Maman surtout. Et dès qu'elle pense à toi, elle a mal au cœur. Moi, je t'approuve, sans t'imiter. Car tu n'es pas difficile et nous nous entendons très bien. » Il lève sa lanterne, attire une branche de prunier et cueille quelques prunes. Il garde les bonnes et donne les véreuses à Parrain qui dit, les avalant d'un coup, toutes rondes, noyaux compris. « Ce sont les meilleures. » Poil de carotte. « Oh, je finirai par m'y mettre et j'en mangerai comme toi. Je crains seulement de sentir mauvais et que maman ne le remarque si elle m'embrasse. » « Ça ne sent rien, » dit Parrain, et il souffle le visage de son filleul. Poil de carotte. « C'est vrai, tu ne sens que le tabac. Par exemple, tu le sens à plein nez. Je t'aime bien, mon vieux parrain, mais je t'aimerais davantage, plus que tous les autres, si tu ne fumais pas la pipe. » Parrain. « Canard, canard, ça conserve. »